Faut que je vous raconte quelque chose sur mon couple, que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à m'avouer. Mais je pense que ça pourrait être libérateur. Vivre à deux, c'est facile au début. Tu veux plaire, donc tu mets du tien. Mais plus le temps passe et plus c'est dur. Et plus t'es plus d'accord sur rien. Toi tu dis matin, l'autre dit soirée. Toi tu veux avant, l'autre veut après. Certains choisissent de batailler. Moi je dois t'avouer, c'est elle qui a gagné. C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison, c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. Je peux mentir à moi-même, mais c'est pas moi le boss. Je peux faire le mal alpha, mais c'est pas moi le boss. Je peux donner mon avis, mais c'est pas moi le boss. Je peux payer les factures, mais c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Je pourrais lutter, mais j'ai pas la force. C'est elle qui tranche quand on n'est pas d'accord. C'est ma chérie, c'est pas ma pote. Y'a une hiérarchie, c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Tout se passe bien, c'est juste pas moi le boss. Je vais pas me plaindre, c'est une bonne patronne. C'est trop tard, changerai pas la donne. Elle a le final cut, c'est elle à la prod. Chérie est têtue, chérie est très dure. Donc je ferme juste ma gueule et j'exécute. Ça va plus vite de me faire marcher dessus. Des fois même quand j'ai raison, je m'excuse. Elle est droite, elle a rien à perdre. Quand elle a une idée, rien ne l'arrête. Moi je m'arrête avant d'avoir une idée. Je vais pas gagner tête à tête. Je fais la gueule 2 heures et j'ai la flemme. Elle peut faire la gueule pendant 3 semaines. Elle vit sa vie, même parle sur un ton qui veut dire n'oublie pas que c'est la guerre. Elle joue sur les nerfs, elle m'esquive. Moi je dépendais, je sais pas le faire. Je veux du soleil, elle veut de la neige. Donc je me renseigne sur les skis. Je dis du chinois, elle dit du taille. Je propose du jap et elle dit taille. Donc je mange une salade de papaye. Mais au moins j'ai la paix quand je la graille. C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison, c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. Je peux mentir à moi-même, mais c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss. Elle a pris le contrôle de ma vie. C'est l'héroïne, tu son sidekick. Je sais pas, c'est pas moi qui choisis. C'est l'héroïne, je suis son sidekick. Ça fait longtemps qu'elle a gagné. Je vis ma meilleure vie d'employé. Quand tu me demandes si je viens, je dis que je réfléchis. Ça veut juste dire je vais lui demander. À la maison, j'ai le second rôle. M. Pokora, elle me contrôle. Devant les gens, faut que je garde la face. Donc on a un pacte, faut pas que ça sache. Mais crois pas que je vais choisir le resto. Crois pas que je vais choisir la série. Crois pas que je vais choisir la déco. Bien sûr, je peux donner mon avis. Mais crois pas que je vais passer son veto. Je pourrais me battre, mais j'ai pas la foi. En vrai, c'est elle le mal alpha. De toute façon, moi, je sais pas faire de choix. Elle est faite pour moi. Donc en fait, elle est faite pour moi. Des fois, quand elle voit que chature, elle me laisse décider d'un truc. Mais c'est du bluff, c'est juste un moyen d'assurer sa dictature. D'ailleurs, c'est un peu tabou, donc s'il vous plaît, faites comme si vous savez rien. Elle a pas envie de passer pour un tyran, même si c'en est un. C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Décide de rien, c'est pas moi le boss. À la maison, c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. Je peux mentir à moi-même, mais c'est pas moi le boss. Je peux faire le mal alpha, mais c'est pas moi le boss. Je peux donner mon avis, mais c'est pas moi le boss. Je peux payer les factures, mais c'est pas moi le boss. C'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss. Je pourrais lutter, mais j'ai pas la force. C'est elle qui tranche quand on n'est pas d'accord. C'est ma chérie, c'est pas ma pote. Y'a une hiérarchie, c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss.